I'm going to discuss a very important visitation. Aujourd'hui, je vais discuter une visitation très importante. But before I do that, mais avant de le faire, I want to share a little bit. Je vais partager un peu on what the Lord is saying and doing. Sur ce que le Seigneur est en train de dire et de faire. This past night, cette dernière nuit, he took me around your country. Il m'a amené tout autour de votre pays. Then he challenged me with the problem. Alors il m'a fait confronter au problème. And when the problem came, et quand les problèmes se sont présentés à moi, there was a big fight. Il y a eu un grand combat. A very big fight this night. Un grand combat cette nuit. Because he tried to attack me. Parce qu'ils ont essayé de m'attaquer. But there was a very severe fight. Mais il y avait very, very big. Il y avait un combat très sévère, très grand. And then the Lord struck him. Alors le Seigneur l'a écrasé. And fatally wounded him. Et le Seigneur l'a blessé. And I saw him. Et je l'ai vu. The way he fell wounded on the head. Je l'ai vu comment il est tombé et blessé sur la tête. And bleeding. Et en train de saigner. It was a very big fight. C'était un très grand combat. The Lord challenged me. Le Seigneur m'a confronté with this issue. Avec ce problème. And there was a severe fight. Il y a eu un combat très sévère. For some time. Depuis un certain temps. But finally the Lord struck him. Mais finalement le Seigneur l'a frappé. And he got fatally wounded on the head. Et il a été blessé sur la tête, il est tombé. In this land. Sur ce pays, dans cette terre ici. So his power has been taken away. Alors son pouvoir a été ôté. So only the Lord will reign here. C'est seulement le Seigneur qui va régner ici. From now onwards. À partir d'aujourd'hui et après. Only the Lord. C'est seulement le Seigneur. Will reign. Qui va régner. I saw him struck by the Lord. Je l'ai vu être frappé par le Seigneur. The enemy. L'ennemi. Has been struck. Il a été frappé. So now you can see revival. Maintenant vous pouvez parler du réveil. And the church can be exalted. Et l'église va être élevée. So you may preserve this beautiful nation. Afin que vous puissiez préserver ce pays bel, ce beau pays. Alléluia. Alléluia. There was a big fight in the spirit. Il y avait un grand combat dans l'esprit. This past night. Cette nuit passée. But then, when he tried to attack me. Alors quand il a essayé de m'attaquer. The Lord struck him. Le Seigneur l'a frappé. Fatally on the head. Il l'a frappé fatalement sur la tête. Alléluia. Alléluia. Now. Maintenant. Yesterday. Hier. Yesterday, I was talking to you. Hier, je vous parlais. About what the Lord is saying now. Sur ce que le Seigneur dit maintenant. To the church. À l'église. And the reason the Lord is speaking to the church. Et la raison pour laquelle le Seigneur parle à l'église. Is because the church. Parce que l'église. The church is the light of the nation. L'église c'est la lumière de la nation. The church. L'église. Is the one that has authority over the land. C'est elle qui a l'autorité dans le pays. When there is a problem. Quand il y a un problème. The church. L'église. Can pray. Peut prier. When there is no rain. Quand il n'y a pas la pluie. And there is drought. Et qu'il y a la sécheresse. The church. L'église. Can pray. Peut prier. When there is disease. Quand il y a la maladie. And famine. Il y a la famine. Only the church. Il y a que l'église. Can pray. Qui peut prier. And the Lord will help. Et le Seigneur va aider. Will deliver the land. Il va délivrer le pays. And that's why. C'est pourquoi. The focus was on the church. Le focus est sur l'église. Only the church. C'est seulement l'église. Is the bride of Christ. Qui est l'épouse du Christ. The church. L'église. The church. L'église. Is the rod of God. C'est le bâton de Dieu. In the land. Dans le pays. The church. L'église. The church. L'église. Is the opinion leader that can show the direction for the nation. C'est le leader d'opinion qui peut montrer à la nation la direction à suivre. And that's why. C'est pourquoi. The Lord sent me to speak to the church. Le Seigneur m'a envoyé pour parler à l'église. Once the church is restored. Quand l'église est restaurée. Then revival enters the land. Alors le réveil entre dans le pays. When there is corruption in the land, quand il y a la corruption dans le pays, it is the church, c'est l'église, that can rebuke corruption, qui peut réprimander la corruption. But how can the church, mais comment est-ce que l'église, rebuke corruption, peut réprimander la corruption, when the church, quand l'église, is in corruption, est dans la corruption. So you see the importance of this? Est-ce que vous voyez l'importance de cela? How can you be a deliverer? Comment pouvez-vous être quelqu'un qui délivre? When you yourself have not been delivered. Quand toi-même tu n'as pas encore été délivré. The church. L'église. Alleluia. Alleluia. And once the church is restored. Et quand l'église est restaurée. Then revival comes. Alors le réveil vient. Then the fear of the Lord enters the land. Alors la crainte de Dieu entre dans le pays. The church. L'église. And at the center of the conversation with the church. Et au centre de la conversation avec l'église. Is the pastor. Ce sont les pasteurs. The pastor. Les pasteurs. The pastors. Les pasteurs. Have the key. Ils ont la clé. They can either open the door. Ils peuvent soit ouvrir la porte. And allow the Lord to bring in revival. Permettre au Seigneur d'amener le réveil. Or they can lock the door. Or ils peuvent fermer la porte. And go with everybody to hell. Et amener avec tout le monde en enfer. And take the nation to hell. Et prendre, amener la nation en enfer. The pastor. Le pasteur. However, malgré ça, if you look at the Bible, si vous regardez dans la Bible, and you see the story of Eli, Eli, et vous voyez l'histoire du sacrificateur Eli, when it was time for the Lord to bring revival, quand c'était le moment pour le Seigneur d'amener le réveil, to make a move, et d'agir, in the land, sur le pays, to bring reformation. Amener la réformation. Renewal. Le renouveau. Restoration. La restauration. Rehabilitation. La réhabilitation. Resuscitation. La revisitation. Resuscitation. Résistation. And Eli was not willing. Et Eli ne voulait pas cela. The Bible says. La Bible dit. Eli was lying in the same usual place. Eli restait dans le même endroit d'habitude. And Samuel, et Samuel was next to the ark of God. Il était à côté de l'arc de l'Éternel. At the holy place. Dans le lieu saint. Samuel. Samuel. The Lord, le Seigneur, loved Eli. Il aime Eli. The Lord, le Seigneur, he promised Eli, il avait promis à Eli, that even his children and his children's children, que même ses enfants et les enfants de ses enfants, would appear before the Lord, vont apparaître devant le Seigneur, and sacrifice, et faire des sacrifices à l'Éternel. The Lord, le Seigneur, he had a covenant with Eli, il avait une alliance avec Eli. The Lord, le Seigneur, he spoke with Eli. Spoke. Il parlait à Eli. But when Eli was not able to move, mais quand Eli n'était pas capable to be in step with the Lord, d'être en accord avec le Seigneur, the Lord, le Seigneur, jumped Eli. Il a sauté Eli, and began to speak to Samuel. Il a commencé à parler à Samuel. Eli. Eli. Even forgot même pour Dieu, how the Lord speaks. Il a même oublié comment Dieu parle. Then Eli, Alors Élie even came to Samuel to ask. Il est même venu à Samuel pour demander. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Somebody the Lord was speaking with. C'est quelqu'un à qui le Seigneur parlait avant. Élie loved God. Élie aimait Dieu. Élie served God. Élie, il servait l'Éternel. But when Élie became complacent on sin, quand Élie est devenu complaisant au péché, the Lord, le Seigneur, who called Élie, qui a appelé Élie, created him, qui l'a créé, loved him, qui l'a aimé, he jumped Élie, il a sauté Élie. Samuel was next the ark of God. Il était à côté de l'arche de Dieu. And the Bible says, et la Bible dit, and the lamp of God had not gone off. Et l'agneau de Dieu n'était pas, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Meaning, ça veut dire, that Samuel was tending the lamp. Ça veut dire que Samuel entretenait la lampe de Dieu. Listen to me. Écoutez-moi. Right now, à ce moment-ci, the Lord is visiting the nations. Le Seigneur est en train de visiter la nation. He's visiting the church. Il est en train de visiter l'église. And if you are not ready, et si tu n'es pas prêt, the Lord will jump you. Le Seigneur va te sauter. And he will raise forth a priesthood. Et va élever un sacerdoce. People you have not even heard about. Les gens que tu n'as même jamais entendu parler d'eux. You'll see them come out and begin to preach righteousness and prepare the church. Tu vas les voir apparaître, commencer à prêcher la droiture de Dieu et préparer l'église. Either you prepare the church, sinon où que tu prépares l'église, or you will see other people come and start to prepare the church. Ou tu vas voir d'autres personnes arriver, commencer à préparer l'église. The ways of the Lord are the same. Les voies de Dieu sont les mêmes. Alleluia. Alleluia. So let us prepare the church. Alors préparons l'église. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Some people, are you Élie? Êtes-vous de Élie? You are not even responding. Vous ne répondez même pas. That is good for me if I see you not responding. Si vous ne répondez pas, c'est bon pour moi. Then I know the Lord will raise forth a new priesthood. Alors je sais que le Seigneur élève un nouveau sacerdoce. Oh yes. Ah oui. Well, today I want to talk about a very important visitation. Alors aujourd'hui je vais parler d'une visitation très importante. Yesterday we saw that this is the time to prepare the garment. Hier nous avons vu que ceci est le moment de préparer son vêtement. And that when you prepare the garment of the Lord, et quand tu prépares le vêtement du Seigneur, you essentially prepare the way for the coming of the Messiah. En fait, tu es en train de préparer la voie pour la venue du Messie. But today, mais aujourd'hui, I want to talk about a very, very significant visitation. Je vais parler d'une visitation très significative. This is very, very historic. Ça, c'est vraiment historique. This visitation. Cette visitation ici. I'll begin with the prophecy I gave. Je vais commencer par la prophétie que j'avais donnée. Now, maintenant, we are living in very historic times. Nous vivons un moment très historique. The most historic time. Le moment le plus historique. And that's why we are going to discuss this. Alors c'est pourquoi nous allons discuter de ça. This is tremendous. Ceci est extraordinaire. Historic. C'est historique. Now, maintenant, every once a year, une fois l'année, sometimes twice, des fois deux fois, but every end of the year, mais chaque fin de l'année, in Kenya, au Kenya, the Lord has allowed me, le Seigneur m'a permis, to always do one big revival meeting, a healing service, de faire toujours une grande réunion de guérison miracle. In Kenya. Au Kenya. And people normally come from all over the world. Normalement, les gens viennent du monde entier. Pastors come from all over the world. Les pasteurs viennent du monde entier. Every end of year, December 31st. Chaque fin de l'année, en décembre, le 31 décembre. And January 1st. Et le 1er janvier. That grand mega meeting takes place in Kenya. C'est là qu'il y a la grande croisade qui tient lieu au Kenya. Then that meeting has to be mobilized, organized. Alors cette réunion est organisée et mobilisée. And normally I go into prayer and fasting for these meetings. Normalement je pars en jeûne et prière pour ces réunions là. And then the Lord speaks with me in advance the way he is speaking with me here about here. Alors le Seigneur me parle déjà en avance sur ce qu'il va faire, la manière qu'il est en train de parler pour ce pays ici. So normally he speaks with me about the events that will take place in the meeting. Normalement il me parle déjà des événements qui vont avoir lieu pendant la réunion. The healings, les guérisons, seeing the blind eyes open, voir les aveugles voir. But anyhow, I get to see. Mais je dois voir. The events before they happen. Je vois les événements avant que cela n'arrive. And so, alors, in the same way, de la même manière, we were organizing this meeting December 31st, the year 2012. Au 31 décembre de 2012, on organisait cette réunion ici. And the Lord began to speak with me. Et le Seigneur a commencé à me parler about this meeting. Au sujet de cette réunion. Everybody follow this very, very carefully. Tout le monde suivez ici attentivement. You will not get this on your Christian TV. Vous n'aurez pas ça sur votre chaîne de télévision chrétienne. Or radio. Ou à la radio. This is from the throne of God Himself. Ceci vient du trône de Dieu lui-même. And so, alors, as the Lord began to speak with me about that meeting, quand le Seigneur a commencé à me parler sur cette réunion. November 21st. Le 21 novembre 2012. Then in a mighty, mighty, mighty conversation. Dans une conversation très, très puissante. Mighty visitation. Une grande visitation. I'm going to describe it here. Je vais le décrire ici. In that dream. Dans ce rêve-là. The Lord took me to the meeting already before it happened. Dieu m'a amené à la réunion avant même que la réunion puisse avoir lieu. And I was standing at the altar of the Lord. Et je me tenais debout sur l'estrade du Seigneur. In the meeting of the Lord. Dans la réunion du Seigneur. The Lord that you serve. Le Dieu que vous servez. The Creator of Israel. Le Créateur d'Israël. Hallelujah. Hallelujah. And as I was standing at the altar of Jehovah. Et quand j'étais debout sur l'estrade de l'autel du Seigneur. In that meeting. Dans cette réunion. In that dream. Dans ce rêve là. Then all of a sudden. Et soudainement. Heaven opened. Le ciel s'ouvra. Right above me here. Juste au-dessus de moi ici. And when heaven opened. Et quand le ciel s'ouvra. Then I saw the glory of the Lord come down like a cloud. J'ai vu la gloire de Dieu descendre comme une nuée. Remember, that was not the first time that I saw this cloud. Rappelez-vous, c'est pas la première fois que je voyais cette nuée. When the Lord called me from Israel. Quand le Seigneur m'a appelé à partir d'Israël. On Mount Carmel, where I was doing my doctorate. Au Mont Carmel, là où je faisais mon doctorat. The same cloud, la même nuée, on Mount Carmel, au Mont Carmel, and I did not know that the Lord took me there on purpose. Et je savais pas que Dieu m'avait amené là-bas pour un but. Stood before me in a dream, et s'est mis debout devant moi dans le rêve, and called me, et m'a appelé, and he spoke from there. Et il a parlé de la nuée, and he said, et dit, and it shall be known. Il sera connu that the Lord God has spoken. Que le Seigneur Dieu a parlé. I remember. Je me rappelle. The first time. La première fois. I heard. Que j'ai entendu. The voice of the Lord God. La voix de l'Éternel Dieu. When I woke up. Quand je me suis réveillé. I was walking and collapsing. Je marchais et puis je tombais. Walk and fall. Je marche et je tombe. That is how tremendous it is. C'est comment c'est terrible quand tu entends ça. I want you to understand how tremendous it is. Je veux que vous sachiez comment c'est extraordinaire. the God you serve. Le Dieu que vous servez. But November 21st. Mais le 21 novembre. In this dream. Dans ce rêve là. I was standing. J'étais debout. On the altar of Jehovah. Sur l'autel de l'Éternel. In the meeting already. Dans la réunion déjà en avance. Massive meeting. Une réunion massive. Then heaven opened. Alors le ciel était ouvert. And I saw the cloud of the Lord come from heaven. Et je vis la nuit de Dieu descendre du ciel. But listen to this. Mais écoutez ceci. In that dream. Dans ce rêve. When I saw the cloud come. Quand je vis la nuit venir. Then all of a sudden. Et soudainement. A tremendous healing anointing struck the stadium. Une onction de guérison extraordinaire a touché la réunion. Struck the stadium. A frappé le stade. And many cripples began to walk. Babies, et beaucoup de blind commençaient à marcher. Was chaotic. Les aveugles. C'était chaotique. Serious chaos. C'était un chaos sérieux. So I was here looking at the baby. Alors j'étais là, voir le bébé marcher. And another man is walking. Un autre homme marchait. And the blind eyes open. Et les aveugles voyaient. And he's asking, what is this? Et il demandait, mais c'est quoi? And I'm telling him, these are people. J'ai dit que ce sont les gens. Had never seen before. L'aveugle n'avait jamais vu avant. So that is what happened. Et c'est ce qui est arrivé. When heaven opened. Et quand le ciel est ouvert. And I saw the cloud come out. J'ai vu la nuée descendre. But the healing anointing struck the stadium. Et l'onction de guérison a frappé le stade. Historic. Historic. So. Alors. I was caught up here. J'étais attrapé ici. A woman is rolling on the soil. Et il y a une femme qui roulait par terre. Because the baby has stood up for the first time and walked. Parce que le bébé s'est mis debout pour la première fois et a marché. So it was tremendous. Donc c'était extraordinaire. So, alors, in the process, dans ce processus, I forgot. J'ai oublié. Because I was caught up here. Parce que j'étais attrapé à voir ce qui s'est passé. The revival of the Bible. Le réveil de la Bible is back. Est de retour. But with much greater power. Avec une puissance plus élevée. But. Mais. I forgot. J'ai oublié. About the cloud. Au sujet de la nuée. Then. Alors. The healing going on. Big situation. Wheelchairs are coming. Everything. La guérison avait lieu. Des grandes situations, les fauteuils roulants étaient soulevés. The short legs. Les jambes courtes. The Lord add the column. Le Seigneur a augmenté cela. Everything happened. Toutes choses avaient lieu à ce lieu. Then all of a sudden. Alors soudainement. As I was standing there. Comme j'étais debout là. In that massive healing. Dans cette massive guérison. Then I was shocked. Alors j'étais choqué. Because I realized. Alors j'ai réalisé. The cloud I saw. La nuée que j'avais vue. Has arrived here. Est déjà arrivée devant moi. Then I was very shocked. Alors j'étais très choqué. The reason I was shocked. La raison pour laquelle j'étais choqué. Is because he was so huge. Parce que c'était tellement grand. Like three times the size of this city. C'est trois fois plus grand que la taille de cette ville. And he was in front of the altar. Et il était devant l'autel. And he was searching, coming towards me. Il venait vers moi. And he was coming with much force. Il venait avec une grande force. So I remember. Alors je me rappelle. That in the dream. Dans le rêve. And the Lord made me know. Le Seigneur m'a fait connaître. That this is the Godhead himself. C'est Dieu le Père lui-même. So because of that. À cause de cela. I feared. J'ai eu peur. At the altar. Sur l'autel. He's coming. Il venait. And I knew that he's coming straight to me. Et je savais qu'il venait tout droit vers moi. So I feared. Alors j'ai eu peur. In that dream. Dans ce rêve-là. I did not know how to receive this. Je savais pas comment recevoir cela. And in the dream, this is what I did. Et dans le rêve, regardez ce que je fais. In that dream. Dans ce rêve-là. He was coming. Il venait. This is the altar, this is the meeting. This is the hotel, là c'est la réunion. I had forgotten about the open heaven and the cloud. J'avais oublié le ciel qui était ouvert et la nuée qui descendait. Because there was a tremendous anointing that parce qu'il y avait une onction extraordinaire de guérison qui était là. The cripples are walking, the blind can see, les paralytiques, the deaf can hear. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient. And then, alors, all of a sudden, soudainement, I realized he's here. J'ai réalisé qu'il est là. Massive, massive. And I knew, et je suis, that this is the Godhead himself. C'est que c'est Dieu le Père lui-même. So this is what I did. Et regardez ce que je fais. Because I did not know how to receive him. Parce que je ne savais pas comment le recevoir. So, alors, he was surging. Il venait avec force vers moi. I tried to dodge him like this. J'ai essayé de m'acheminer de faire comme ça là. In the dream. Dans le rêve. I didn't want him to touch me. Je ne voulais pas qu'il me touche. I feared. J'ai eu peur. So I tried to dodge like this. Je suis allé, je fais comme ça. But, mais, I found that I cannot dodge him. J'ai rendu compte. I cannot dodge him. Que je ne pouvais pas l'éviter. Nobody can dodge the Lord. Personne ne peut éviter, fuir le Seigneur. And then, alors, when he arrived at the altar, quand il est arrivé sur l'autel, ça faisait comme ça. That is how I knew. C'est comme ça que je suis. When I gave the prophecy, quand j'ai reçu la prophétie. On that November 21st. De ce novembre, le 21 novembre. Before it happened on December 31st. Avant que cela n'arrive le 31 décembre. That's how I knew. C'est comme ça que je suis. He's going to come in waves. Il va venir dans les vagues. The prophecy on the YouTube. If la prophétie sur YouTube. If you listen to that prophecy November 21st, you hear me saying, he's coming in waves. Vous allez écouter. Il va venir dans les vagues. Je disais ça dans la vidéo. And you hear me in that prophecy. Et vous m'entendez dans cette prophétie. Saying, dire, that God the Father himself is now coming to visit the church. Que Dieu le Père lui-même va maintenant venir visiter l'église. And I say, et je dis, I did not know why I said that. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Because I was giving it live on global radio. Parce que j'ai donné ça en direct sur la radio globale. By phone. Au téléphone. And I say, et je dis, God the Father himself. Dieu le Père lui-même. He's now coming to shepherd his church. Il est vient pour paître ses brebis. And when I finished, I said, why did I say that? Et quand j'ai fini de dire ça, je me suis dit à moi-même, pourquoi j'ai dit ça? Why did I say that God the Father himself is coming to shepherd the church? Pourquoi j'ai dit que Dieu le Père vient paître ses brebis? Why am I putting away the pastors? Pourquoi je mets de côté les pasteurs? Alléluia. Alléluia. So, alors, let me tell you, laisse-moi vous dire, the glory of the Lord, la gloire du Seigneur, has weight, a un poids, weight, a un poids. When it touched my face, quand ça touchait mon visage, I could feel the weight. Je pouvais sentir le poids, la force, and in waves. Et c'était en vague. In that prophecy, you hear me saying, he's coming in waves. Et je disais qu'il va venir selon les vagues. What a tremendous time in the church of Christ. Quel temps magnifique dans l'église du Christ. Who are we? Qui sommes-nous? Who are you? Qui êtes-vous? Which dispensation is this? Quelle dispensation est-ce? Which generation are you? Quelle génération êtes-vous? Who gives you authority? Qui gives l'autorité? To discuss this. Qui donne l'autorité de discuter ces choses ici? How can we discuss this? Comment pouvons-nous parler de ça? How? Comment? How can we meet here to discuss this? Comment pouvons-nous nous réunir ici pour discuter de ces choses ici? How? Comment? Mere mortals. Nous sommes des mortels. How can we discuss this? Comment pouvons-nous discuter ça? To meet here to discuss this. Nous rassembler ici et discuter ça. Isn't it fearful? C'est craintif, ça suscite la crainte. But, mais, when the glory came, quand la gloire est venu, in the dream, dans le rêve, I could feel the weight of the glory. Je pouvais sentir le poids de la gloire. And so, alors, when I gave the prophecy, quand j'ai donné la prophétie, then the bishops, alors les bishops, they came to me. Ils sont venus me voir. They came to me. Ils sont venus à moi. And they asked me. Ils m'ont demandé. They said. Ils ont dit. Man of God. Homme de Dieu. We have heard. Nous avons entendu. What you have spoken in the prophecy. Ce que tu as dit dans la prophétie. When we listen to your prophecy. Quand nous écoutons ta prophétie. That sounds like the ultimate visitation. C'est comme si c'est une visitation ultime. Ultimate. C'est une visitation ultime. So they came. Alors ils sont venus. They said, "Men of God." Ils ont dit, hommes de Dieu. How do we prepare the church for that visitation? Comment allons-nous préparer l'église pour une charge de visitation comme celle-ci? I looked at them. Je les ai regardés. And I say, je dis, go tell the church, va dire à l'église, to remember Mount Sinai, de se rappeler du Mont Sinaï. What time are we living in? Dans quel temps nous sommes en train de vivre? Go tell the church, va dire à l'église, to remember the visitation on Mount Sinai, de se rappeler de la visitation du Mont Sinaï. They were required, ils étaient demandés, to wash their garments, se laver leurs vêtements, to prepare, de se préparer. And I say, et je dis, that means repentance, ça veut dire la repentance. So I told them, alors je leur ai dit, so they went back to the church. Alors ils sont retournés à l'église. But listen to me, mais écoutez-moi, I want to define to you, je vais définir pour vous, what the end time revival looks like. À quoi ressemble le réveil du temps de la fin? When I say it, quand je dis, go tell the church, va dire à l'église, to prepare in repentance, de se préparer dans la repentance. When I say so, quand je dis ainsi, listen to what happened. Écoutez ce qui est arrivé. Listen to what happened. Écoutez ce qui est arrivé. People, les gens, began to come out. Ils commencent à venir. In thousands, dans des milliers, to receive Jesus, de recevoir Jésus, before that meeting, avant cette réunion, and repent, et se repentir, and be baptized, et soit baptisé. A historic revival broke out, et un réveil historique a commencé, before that fulfillment, avant l'accomplissement de celle-ci. The power of Jehovah, la puissance de l'Éternel. It is important, c'est important, for the church, que l'église, to walk well with the Lord, de bien marcher avec le Seigneur. A big revival already broke out. Un grand réveil a commencé déjà au vent. Every region was baptized. Dans chaque région, on baptisait les gens. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville is a small country. C'est un petit pays. We can baptize the whole country. On peut baptiser tout le pays. In 1 week. En une semaine. Only 4 million. Seulement 4 millions. The meetings we have in Kenya have more people than this population. One meeting. Une réunion que nous avons au Kenya a plus de population que ce pays ici. That's why I come. C'est pourquoi je suis venu. I want to harvest this country for Jesus. Je veux moissonner ce pays pour Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Follow me step by step. Suivez-moi étape par étape. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Écoutez. So, alors, the revival broke out before. Le réveil a commencé avant. Based on the prophecy alone. Basé seulement sur la prophétie. The revival came. Le réveil est venu. When the day arrived. Quand le jour est arrivé. You know, people. Les gens. Began to travel from all over the world. Ils ont commencé à voyager du monde entier. When they heard the prophecy. Quand ils ont écouté la prophétie. They knew. Ils ont su. That this man of God. Que cet homme de Dieu. Whatever he's people, d'autres gens, came out only because of the prophecy. Ils sont venus seulement à cause de la prophétie. They say, ils ont dit, I want to really see. Je veux réellement voir. Can a man, est-ce qu'un homme, can a human being, qu'un être humain, call God from heaven and God come, peut appeler Dieu du ciel et Dieu descend. Hallelujah. Because, parce que, that prophecy, cette prophétie, amounted, a augmenté, it was equal, c'était égal, to somebody saying, à quelqu'un qui dit, I have called God down. J'ai demandé à Dieu de descendre. So they came. Alors ils sont venus. Be careful. Faites attention. We are living in tremendous times. Nous vivons dans un moment terrible. Tremendous. Un moment extraordinaire. Anything can happen now. N'importe quoi peut arriver maintenant. Including the rapture. Incluant l'enlèvement. And so, alors, when the day arrives, quand le jour est arrivé, there is another prophecy also. Il y a une autre prophétie aussi, which I gave December 26th. Que j'ai donné le 26 décembre. Just 4 days to the meeting. Juste 4 jours avant la réunion. December 26th, 4 days to the meeting. 4 jours avant la réunion, le 26 décembre. The Lord again. Le Seigneur encore. Came to speak with me about that meeting. Il est venu encore me parler sur cette réunion. And this time, et cette fois-ci, I was standing on the altar. J'étais debout sur l'autel. And all of a sudden, heaven opened. Et soudainement, le ciel s'est ouvert. And a straight pillar, a straight column of white glory. Et une colonne de gloire, droit à partir du ciel. Straight from heaven and came and covered me on the altar. Droit à partir du ciel et descendu m'a couvert là sur l'autel. And many things happened in that glory inside there. Et beaucoup de choses sont arrivées dans cette gloire à l'intérieur là-bas. I have not shared. Je n'ai pas encore décrit cela, partagé cela. But when the day arrived, mais quand le jour est arrivé, as the Lord brought me to the stadium, quand le Seigneur m'a amené sur le stade, He brought me. Il m'a amené dans le stade. I began to point like this. J'ai commencé à pointer comme ça. Towards those trees, you see the three trees. J'ai commencé à pointer vers les arbres qui sont là. You see the altar of the Lord. Vous voyez l'autel du Seigneur. And I was saying, et je disais, I see the glory of the Lord. Je vis la gloire de Dieu. The glory of the Lord is coming. La gloire de Dieu vient. I see Him coming in this direction. Je le suis venu dans cette direction. I was walking around the altar pointing at that direction. Je marchais, je pointais dans cette direction-là. You see the three trees. Vous voyez les trois arbres. Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. You see the direction of those three trees. Vous voyez la direction de ces arbres-là. When now the glory came. But remember. Mais rappelez-vous. Remember at this time, rappelez-vous qu'à ce moment-là, I had forgotten about the glory. J'ai oublié la gloire. The anointing, healing, la guérison, l'onction. The cripples are walking. The blind. Everything is happening tout here. Tout se passe là-bas. But there are people. Mais il y a des gens that remembered. Qui se sont rappelés. There are people. Il y a des gens that heard from all over the world. Qui ont écouté du monde entier. So they came. Ils sont venus. When they saw the healing anointing strike the stadium. Quand ils ont vu l'onction de guérison frapper le stade. They remembered. Ils se sont rappelés. And listen to this now. Écoutez-moi maintenant. When they remembered. Quand ils se sont rappelés. Look at what they did. Écoutez ce qu'ils ont fait. Those who tried to look like this. Ceux qui sont habitués à regarder comme ça. This is what they saw. C'est ce qu'ils ont vu. Tremendous. You see the trees, the trees. Vous voyez les trois arbres. The three trees I was talking les about. Les trois arbres dont je parlais. These trees here. Les ces arbres ici là. These trees here. Les trois les arbres qui sont là. Hallelujah. Hallelujah. When I had come into the stadium, quand je venais dans le stade, I see the glory of the Lord coming. J'ai dit, je vis la gloire de Dieu venir. The three trees. Les trois arbres. And the two umbrellas there. Et les trois parapluies qui sont là. You know, for me, pour moi, I fulfilled my prophecy. J'accomplis ma prophétie. Because, parce que, I forgot. J'ai oublié. When cripples began to walk. Quand les paralytiques ont commencé à marcher. I forgot. J'ai oublié aussi. But those who remembered, mais les gens qui se sont rappelés, and tried to look up, ils ont essayé de regarder vers le ciel, in the place where avions, aircraft fly, à l'endroit où les avions passent, this is what they saw. C'est ce qu'ils ont vu. Coming like a tornado. Ils venaient comme une tornade. What a tremendous generation. Quelle génération extraordinaire. But listen to this. Mais écoutez ceci. The Lord. Le Seigneur. You know, many times. Plusieurs fois. The Lord speaks with me. Le Seigneur me parle. And I see his glory. Et je vois sa gloire. Even in the meetings. Même dans les réunions. Many times in the meetings. Plusieurs fois dans les réunions. The Lord shows me the dream. Le Seigneur me montre dans le rêve. That tomorrow when you go to the healing service. Que demain quand tu vas arriver à la salle de guérison. My glory will be standing here. Ma gloire se mettra de ce côté ici. So I always know. Alors je connais toujours. That the people. Que les gens. Cannot see. Ils ne peuvent pas voir. Cannot see where he is standing. Ils ne peuvent pas voir où il est qui se met debout. That's why sometimes you hear me say. Des fois vous m'entendez dire. In the healing services. Dans les services de guérison. And I said, I know where the Lord is standing. Et je dis, oh, je sais où est-ce que le Seigneur se tient debout. Because I've seen already. Parce que j'ai déjà vu avant. In the dream. Dans le rêve. That when I go, his glory will be standing somewhere there. Que quand je vais être là, et sa gloire va être de ce côté-là en train d'agir. So when I gave the prophecy. Alors quand j'ai donné la prophétie. I said. J'ai dit. Lord. Seigneur, please open their spiritual eyes. S'il vous plaît, ouvre leurs yeux spirituels. That they may be able to see your glory. Afin qu'ils soient capables de voir ta gloire. But as I said that prayer, et quand je fais cette prière, I did not know. Je ne savais pas. I did not believe. Je n'ai même pas cru. That he is going to allow them to see. Qu'il va leur permettre de voir même. I did not. Je ne savais pas. But what amazed me, mais ce qui m'a étonné, when he came down, quand la gloire est descendue, he allowed them. Il leur a permis. That shocked me. Ça m'a choqué. I was very shocked. J'étais vraiment choqué. He allowed them to see him. Il leur a permis de le voir. And more than that. Et plus que ça. He also allowed them. Il leur a aussi permis. To record on their cell phone. D'enregistrer sur leur cellulaire. That shocked me. Ça m'a choqué. I was very shocked. J'étais vraiment choqué. Because. Parce que. At one point. À un moment. When I was in the meeting, quand j'étais dans la réunion, I saw everybody doing like this. J'ai vu tout le monde faire ceci. So I kept wondering, what are they seeing? Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils voient? He allowed them to see him. Il leur a permis de voir. What a generation! Quelle génération! And then, alors, listen, écoutez. He allowed them to record. Il leur a permis d'enregistrer cela. And after they recorded, après qu'ils ont enregistré, they checked. Ils ont vérifié. And it was there. C'était resté là-dedans. So, they began to post it on the Facebook. Alors ils ont commencé on Twitter, à poster on YouTube. À Facebook, à Twitter, à YouTube. How can God do that? Comment Dieu peut-il faire ça? I was shocked. J'étais choqué. But, man, this is, you know, they are very wise. Vous savez, ils sont très sages. Because, parce que they heard the prophecy. Ils ont écouté la prophétie. The prophecy said, la prophétie disait that when the glory comes, que quand la gloire viendra, a historic healing anointing will strike the stadium. Une onction de guérison historique va frapper le stade. So when they saw me walking with cripples, quand ils ont vu les paralytiques marcher, and blind, les aveugles, and deaf, and the blessed, they remembered and did this. Ils se sont rappelés, ils ont regardé vers le ciel. And this is what they recorded. Et c'est ce qu'ils ont enregistré. Until he arrived. Jusqu'à ce qu'il arrive. I was shocked. J'étais choqué. That the Lord allowed them to record him. Que le Seigneur leur a permis de l'enregistrer lui. Because for me. Pour moi. I knew he was not going to allow them. Je savais qu'il n'allait pas leur permettre ça. Many times I know where he's going to stand. Plusieurs fois je sais où est-ce qu'il va se mettre debout. But I also know that they cannot see. Mais je sais aussi qu'eux ne peuvent pas voir. That's why. Wherever I go. I always pray. Je prie toujours. Lord. Seigneur. Open their spiritual eyes. Ouvre leurs yeux spirituels. That they may see. Afin qu'ils puissent te voir. Hallelujah. Amen. And then. Alors. The column of glory. La colonne de gloire. That's now December 26. Ça c'est le décembre 26. Le 26 décembre. At one point. À un moment. When I was on the altar. Quand j'étais sur l'autel. I saw everybody. J'ai vu tout le monde with their cameras. Avec leur caméra. Trying to take en en train de prendre des photos. I kept asking. Je me demandais à moi-même. What are they seeing? Est-ce qu'ils voient? What are these people seeing? Qu'est-ce que ces gens ici sont en train de voir? Everybody was doing this and checking. Tout le monde regardait et regardait filmé. And doing this and checking. Regardez, faut plus regarder. Now, maintenant, when this second prophecy was being fulfilled. Quand la deuxième prophétie commençait à s'accomplir. Now listen to this. Maintenant suivez ceci. They tried to take this picture. Ils ont essayé de prendre cette photo. Because they could see the column of glory from heaven like this. Ils pouvaient voir la colonne de gloire à partir du ciel qui descendait tout droit. On the servant of the Lord. Sur le serviteur de l'Éternel. But listen. Mais suivez. They tried to take this picture here. Ils ont essayé de prendre cette photo ici. But every time they checked. Mais chaque fois qu'ils vérifiaient. There was nothing. Il n'y avait rien. So that is the reason I was seeing they are taking and checking. C'est la raison pour laquelle je voyais qu'ils prenaient et regardaient, vérifiaient. Like this and checking. Ils prenaient encore et vérifiaient. Now listen. Mais suivez. This one. Celui-ci. Normally, we have a lot of pastors from all over the world. Normalement, nous avons beaucoup de personnes qui viennent du monde entier. We rent 3 big hotels. On a gardé 3 grands hôtels. This time, we rented more. For mega. On a pris 4 mega hôtels. Because we give free accommodation and a guest house. 4 grands hôtels avec un guest house. Because they come from all over the world. Parce qu'ils viennent du monde entier. And that's why I tell you. C'est pourquoi je vous dis, we don't need money to do ministry. On n'a pas besoin d'argent pour faire le ministère. All we need is the anointing. Tout ce que nous avons besoin c'est l'onction. Because God can help you. Parce que Dieu peut vous aider. To come. De venir. And you will not pay hotel. Et vous n'allez pas payer l'hôtel. You will attend for free. Vous allez arriver gratuitement. Because at this hour. Parce qu'à cette heure ici. This is bigger than money. Ça c'est plus grand que l'argent. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Suivez-moi. Now, maintenant, we put the guests from Australia and other places. On a pris les visiteurs de l'Australie et d'autres places in a hotel called the Great Lakes Hotel. À un hôtel appelé le Grand Lac Hotel. In the Great Lakes Hotel. Dans le Grand Lac Hotel, at the rooftop. Au top, there is a bar. Il y a un bar for drinking alcohol. Pour boire l'alcool et faire les disco. And so, alors, the guests from Australia, the pastors, les visiteurs de l'Australie, les pasteurs, from Perth, Australia, Perth, the Perth, Australie, they went there, ils sont allés là-bas, not to buy anything, pas pour acheter quoi que ce soit, because we provide everything, all drinks, parce qu'on pourvoit la nourriture, la boisson pour eux, toutes choses, but they went there, mais ils sont allés là-bas, and they looked at the bartender, the manager of the bar. Ils ont vu le manager du bar selling alcohol. Il est en train de vendre l'alcool. And dancing disco. Et danser le disco. And playing the disco. Et jouer le disco. And they went there. Ils sont allés là-bas. To lead him to the Lord. Pour le conduire à recevoir Jésus. But when they reached there. Mais quand ils sont arrivés là-bas. He refused. Il a refusé. He said no. Il dit non. I like my life. J'aime ma vie. I like to play disco. J'aime payer, jouer au disco. And drink alcohol. Et boire l'alcool. So, they left him. Alors, on l'a laissé. They tried, mais ils ont abandonné après. Now, listen to this. Mais écoutez ceci. When the holy people, quand les hommes saints, in the stadium, dans le stade, were trying to take this glory on the altar, essayer de filmer cette gloire à l'hôtel, and check, et vérifier, try. Ils essaient encore. And check. Ils vérifient. There was nothing. Il n'y a rien dedans. And they kept saying, why? I'm not able to take it. Comment on n'est pas capable de filmer ça? The rooftop hotel. Au sommet de l'hôtel. À la toiture. The alcoholic. Il y a des gens alcooliques. The immoral man. Les gens immoraux. Who was playing disco. Qui jouait le disco. From the rooftop. De l'hôtel. Du fond de l'hôtel. He saw. Il a vu. And if you listen to the video, et si tu entends la vidéo, it's on the YouTube. C'est sur YouTube. You hear him. Et tu l'entends dire. This is a miracle. Oh, ça c'est un miracle. In the prophet's meeting. C'est la réunion du prophète. This is a miracle. Ça c'est un miracle. And then, alors, you hear him talking to another person. Tu l'entends parler à une autre personne. And he's saying, il dit, have you recorded it? Est-ce que tu as filmé ça? But you hear this person. Tu entends cette personne dire. Saying, il dit, I don't know why for me I cannot record it. Je ne sais pas pourquoi moi je n'arrive pas à filmer cela. The alcoholic, les gens alcooliques, the holy people, les gens saints, tried to record it. Ont essayé d'enregistrer. They did not record it. Ils n'ont pas pu enregistrer. The drunk. don't know why. Je ne sais pas pourquoi. I did not know why. Je n'ai pas su pourquoi. The person they were trying to lead to the Lord. La personne qu'on voulait amener au Seigneur. And he refused. Il a refusé. He now saw the miracle of God. Maintenant il a vu le miracle de Dieu. This is a miracle. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. C'est un miracle. In the meeting of the prophet. Dans la réunion du prophète. Ah, prophet. Oh, prophet. Prophet Dr. Ward. Prophet Dr. Ward. He was talking in the video. Il parlait dans la vidéo. But the holy people. Mais les gens saints. Did not see this. N'ont pas vu cela. They saw but could not record. Ils essayaient mais n'arrivaient pas à enregistrer cela. I believe. Je crois. That person received the Lord. Cette personne a reçu le Seigneur. Because he called the pastors from Australia. Parce qu'il a appelé les pasteurs de l'Australie. And he began to share with them. Il a commencé à partager avec eux. Aïe, come and see. Aïe, aïe, venez voir. The ways of God. Les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amazing. Étonnant. Incredible. C'est incroyable. It's amazing. C'est étonnant. Amazing. C'est étonnant. Now, maintenant, I want to give the message. Je vais donner le message. Now I have described the prophecy. Maintenant que j'ai décrit la prophétie, and the fulfillment. Et l'accomplissement de la prophétie. Now, maintenant, what is the message to the church? Quel est le message pour l'église? What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? For the Lord to visit like this. Pour que le Seigneur visite de cette manière. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? That is now the most important part also. Ça c'est la partie la plus importante aussi. Hallelujah. Hallelujah. Now, maintenant, what is the message to the church? Quel est le message pour l'église? I want to move step by step. Je vais avancer étape par étape. Because of the condition of the church. À cause de la condition de l'église. Step by step. Étape par étape. Everybody listen to me now. Tout le monde suivez-moi maintenant. There are two things I want to describe. Il y a deux choses que je vais décrire. I want to describe. Je vais décrire the anointing of God. L'onction de Dieu. Number two. Deuxièmement. The glory of God. La gloire de Dieu. I want to describe two things. Je vais décrire deux choses. I want to describe. Je vais décrire the anointing of God, l'onction de Dieu, and the glory of God, et la gloire de Dieu. When the Lord, quand le Seigneur, wants to do something on the earth, veut faire quelque chose sur la terre. This is just foundation. Ça c'est le fondement. This is not the message, but it's just to build the foundation. Ça c'est juste bâtir le fondement. When the Lord wants to do something on the earth, quand le Seigneur veut faire quelque chose sur la terre. He normally, normalement, will establish an agency. Il doit établir une agence. The agency of God. L'agence de Dieu. And he will direct people. Et va diriger les gens. He said, go there. Il va leur dire, allez là-bas. He will pray for you. Il va prier pour toi. Go there. Va là-bas. He will tell you what to do. Il va te dire quoi faire. It's like, if I want to come to Congo Brazzaville. C'est comme si je veux venir au Congo Brazzaville. I want to know something about some program in this country. Je veux connaître quel est le programme dans ce pays. And I write to the offices here. Et j'arrive au bureau ici. The ministry. Le ministère. They will say. Ils vont dire. Go there. Va là-bas. Near the United Nations. À côté des Nations Unies. Our embassy is there. Notre ambassadeur est là-bas. They will tell you what to do. Ils vont te dire quoi faire. Go there. Va là-bas. That is the agency. Ça c'est la chance. It is called. C'est appelé the established agency of this country. L'agence établie de ce pays. The same thing with the Lord. La même chose pour le Seigneur. He normally establishes his agency. Normalement il établit aussi ses agents. Authentic. Authentique. Authorized. Autorisé. To execute his policies. D'exécuter sa politique. His agenda. Agenda. Son agenda. To execute the agenda. D'accomplir son agenda. Follow this very carefully. Suivez ça attentivement. So, alors, normally, normalement, the Lord will send his anointing. Le Seigneur va envoyer son onction to his established agency. Sur ses agents établis. To execute his agenda. Pour exécuter son programme. On the earth. Sur la terre. And when that agency begins to execute the agenda of God, commence à exécuter l'agenda de Dieu, you see the manifestation. Vous voyez la manifestation. Make sure you catch this. Il faut saisir ceci. The agency, l'agence, with the anointing, avec l'onction, manifestation. Manifestation. But, mais, there are certain moments, il y a certains moments, when the Lord, quand le Seigneur, does not delegate, il ne délègue pas, he does not delegate, il ne délègue pas, and then, un homme, he comes down himself, il descend lui-même. That time, à ce moment-là, you see the glory. Vous voyez la gloire. Just a moment. Attendez. You see the anointing. Vous voyez l'onction. To a delegated agent. Sur les agents délégués. You see the glory. Vous voyez la gloire. When he himself comes. Quand lui-même vient. Listen to this. Écoutez ceci. Remember this also. Rappelez-vous de ceci aussi. When the delegated agency. Quand l'agent délégué. Does the agenda of God. Fait l'agenda de Dieu. He gives the anointing. Il leur donne l'onction. And then, alors, you see manifestation. Vous allez voir la manifestation. Of the life of God. De la vie de Dieu. Of the presence of God. Oh, la présence of de the Dieu. Power of God. Oh, la puissance of de the Dieu. Authority of God. Et de l'autorité de Dieu. Manifestation. Manifestation. But, mais, when the Lord himself comes, quand Dieu lui-même vient, you see the glory. Vous voyez la gloire. And when you see the glory, et quand vous voyez la gloire, that is called the revelation of God. C'est la révélation de Dieu. Are we together until Est-ce que nous sommes ensemble juste maintenant? Step by step. Étape par étape. This is not the message. Ce n'est pas encore le message. Just to make sure everybody is in the same place. Être sûr que tout le monde est au même page. Alléluia. Alléluia. This is the first country I'm teaching this, right? C'est le premier pays où j'enseigne ces choses. You are the first country I'm teaching Vous this. Vous êtes le premier pays où j'enseigne ces choses ici. Alléluia. Alléluia. Listen. Écoutez. Now you can see the difference. Maintenant vous pouvez voir la différence. Between the anointing. Entre l'onction. Manifestation. Manifestation. The glory. La gloire. Revelation. Révélation. There is a whole article I am writing now. Il y a un article que je suis en train d'écrire maintenant. You are the first country I am saying this to. Vous êtes le premier pays à qui je dis ces choses. Because I realize. Parce que j'ai réalisé. Because of the condition of the church. À cause de la condition de l'église. I have to go down the basics and make everything clear to them. Je vais aller dans les basiques pour mettre toutes choses claires pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. So, alors, I said, je dis, in the prophecy, dans la prophétie, that the Lord is going to come down, que le Seigneur va descendre, the Lord himself, le Seigneur lui-même, like he did, comme il avait fait, before Christ Jesus came, avant que Jésus-Christ ne vienne, during the time of Moses, au temps de Moïse, that's what I said in the prophecy, c'est ce que j'ai dit dans la prophétie, that's what I said in the prophecy, c'est ce que j'ai dit dans la prophétie. I say, je dis, like he did, comme il avait fait, in the time of Moses, au temps de Moïse, before the Messiah came, avant que le Messie n'arrive. But tell me, mais dis-moi, before I give the revelation, avant here, que je donne la révélation ici, listen to this, écoutez ceci, how is it possible? Comment est-ce possible? Because I want you to appreciate, parce que je veux que vous puissiez apprécier cela. I want you to appreciate what I went through. Vous appréciez par où je suis passé. How is it possible? Comment est-ce possible? That somebody like me, que quelqu'un comme moi, can go and stand, peut aller et se mettre debout, on global radio, dans une radio globale, the whole world, que le monde entier, and say, et dire, that the cloud of God, que la gloire de Dieu, la nuée de Dieu, the glory of God, la gloire de Dieu, that visited in the Old Testament, qu'il a visité dans l'Ancien Testament, during the time of Moses, pendant le temps de Moïse, is going to come, va venir, in this dispensation of the grace, dans cette dispensation de la grâce. I want you to appreciate the problem I had. Je veux que vous appréciez le problème que j'avais, with the church, avec l'église. I knew, je savais, that some people have gone to theological college. Il y a des gens qui sont allés dans l'école théologique. And they have human theology. Ils ont la théologie humaine. Program. Le programme. They have human philosophy. Ils ont une philosophie humaine. And they always try to take the Lord. Ils pensent toujours que le Seigneur. And fit into the human program. Prendre le Seigneur, le mettre dans le programme humain. So I wondered. Alors je me demandais. How am I? Comment moi? going to tell a modern church, dire à l'église moderne, 2012, en 2012, 2013, en 2013, 2014, 2014, to tell them de leur dire, that the cloud of God, que la nuée de Dieu, of the Old Testament, de l'Ancien Testament, and this cloud, et cette nuée, was the symbol of the law, the law. C'était le symbole de Dieu lui-même. The law. C'était le symbole de la loi. De la loi. La loi. La loi. The law of God. C'était le symbole de la loi de Dieu. This cloud was the symbol of the law. Cette nuée était le symbole de la loi. How do I stand before a modern church? Comment puis-je me tenir devant une église moderne? And tell them. Et leur dire. That that cloud is coming back. Que cette nuée revient. Everybody is going to say. Tout le monde va dire. Ah, that is a false prophecy. Oh, ça c'est une fausse prophétie. They are going to say like that. Ils vont dire comme ça. Because they are going to say, parce qu'ils vont dire, but that is during the time of the law. Mais ça, c'est au temps de la loi. And now we are in the dispensation of the grace. Et maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. I wondered. Je me demandais. I wondered, how am I going to tell this church? Je me demandais comment je vais dire ça à cette église. A modern church. Une église moderne. That the cloud of Moses, qui est la nuée de Moïse, which is synonymous with the law, qui est synonyme de la loi, is going to come in this dispensation. Va venir dans cette dispensation. Can I answer you? Est-ce que je peux vous répondre? Can I give you the answer? Est-ce que je peux vous donner la réponse? The answer is simple. La réponse est simple. Ever since the Lord sent me, depuis que le Seigneur m'a envoyé, there is something he told me. Immediately. Il a une chose qu'il m'a dit immédiatement. He told me, il m'a dit, number one, premièrement, to know, de savoir, that I am just a vessel, a tube. Je suis seulement un tube, un canal. I am just a messenger. Je suis seulement un messager. The message is not mine. Le message n'est pas le mien. And it does not matter. Et peu importe, the opinion of man, les opinions des hommes, is not important. Ce n'est pas important. As long as the Lord has spoken with me, aussi longtemps que le Seigneur m'a parlé, I must faithfully say, je dois le dire fidèlement. In that way, the Lord can use me. Et à ce sens-là, le Seigneur peut m'utiliser. That is the problem in the church. Ça c'est le problème dans l'église. Many times, plusieurs fois. The Lord wants you to do something. Le Seigneur veut que tu fasses quelque chose. But you fear the opinion of man. Mais tu as peur de l'opinion des hommes. For me, pour moi, I don't care the opinion of man. Je m'en fous de l'opinion des hommes. That is how the Lord can use me. C'est comme ça que le Seigneur peut m'utiliser. Meaning, ça veut dire, whatever he tells me, tout ce qu'il me dit, I just do it, je le fais, faithfully, fidèlement. So I stood before them. Alors je me suis mis debout devant eux. And I said such a terrible thing. J'ai dit une chose tellement terrible. I said it. Je l'ai dit. And the whole world listened. Et le monde entier a écouté. But when the day came, mais quand le jour est arrivé, it was fulfilled. C'était accompli. Hallelujah. Hallelujah. There is a lesson to the church in Congo. Il y a une leçon pour l'église de Dieu au Congo. Just do it faithfully. Fais-le seulement fidèlement. The message is not yours. Le message ne t'appartient pas à toi. The message belongs to the Lord. Le message appartient au Seigneur. Don't worry about the opinion of man. Ne t'inquiète pas des opinions des hommes. Don't worry what the professors of theology will say. Ne t'inquiète pas qu'est-ce que le professeur de théologie va dire. It is not important. Ce n'est pas important. What is important? Ce qui est important is that you are standing with God. Que tu es debout avec Dieu. And God is speaking. Et Dieu est en train de parler. Can I say something? Which piece like a shows? Let me use Kenya as an example. And so why you say Kenya? And then I will use Congo as an example. Alors je vais utiliser Congo comme exemple. When I go to Canada, quand je vais au Canada, and I tell, et je dis au gouvernement du Canada, I want to be a citizen. Je vais devenir un citoyen. A good citizen. Un bon citoyen. Oh, you want? Oh, tu veux? Oh, okay. We have a policy. Nous avons une politique to incorporate many cultures. Et créer plusieurs cultures. Welcome. Bienvenue. And then they give me the Canadian nationality. Alors, maintenant, je suis un citoyen canadien. Then I go. Alors je pars. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. And they advise me. Il me donne des conseils. In the interview. Dans l'interview. They say. It is. Make sure. Sois sûr. You integrate. Que tu intègres. You mix. We want some. We want you to contribute to Canada. Je veux que nous voulons que tu puisses contribuer au Canada. Integration. Que tu sois intégré. And then when I go there. Et alors quand je vais là-bas. This is what I do. C'est ce que je vais faire. I reach Toronto. J'arrive à Toronto. I start looking for Kenyans. Je commence à chercher les Kenyans. And then, alors, we build a small Kenya in Toronto. On bâtit un petit Kenya à l'intérieur de Toronto. And then, alors, we are speaking the Kenyan language. On commence à parler la langue de Kenya. Not Canadian language. Non pas la langue du Canada. We are eating ugali, the Kenyan food. On mange le ugali na nourriture. Ugali na matumbo. Ugali na matumbo. The intestine of cow. Les intestins de vache. We are eating Kenyan food. On mange la nourriture du Kenya. And now our children speak Kenyan language. Et nos enfants parlent la langue du Kenya. It is called in English. Anglais dit ça. That you can remove a boy from the village. Que tu peux sortir un garçon du village, but you cannot remove the village from the boy. Tu peux pas laver le village dans les garçons. Let me give the example of the Congolese community in Canada. Laisse-moi donner l'exemple de la communauté congolaise au Canada. Same thing. La même chose. Then you find they live a small Congo Brother village. And the Canadian government will say, No. This is not what we intended. C'est pas ce que nous avons intentionné. Am I talking to you, people? Hallelujah. Hallelujah. That is what Israel needs. C'est ce que Israël a fait. When the Lord removed them from Egypt, quand le Seigneur les a sortis de l'Égypte, and they went to the wilderness, ils sont allés dans le désert. The Lord was shocked. Le Seigneur était choqué. When he looked at Israel, that he had rescued with power, il a sauté avec du sang. He found out, il a trouvé, that they were living in a small Egypt in the wilderness. Dans un petit Égypte dans le désert. Somebody, you must see the church. Quelqu'un doit voir l'église déjà là. You must see the church of Christ. Tu dois voir déjà l'église de Christ. That is it. C'est ça. The moment of truth. Le moment de vérité. With all the power and the miracle. Avec toute la puissance et le miracle. He rescued them. Il les a délivrés. But when he kept in the wilderness. Et quand il est dans le désert. They were in groups. Ils étaient dans des troupes. They were saying, hey. Ils disaient, hey. I missed the big pots of meat. Non, ça me manque la nourriture qu'on a mangé. And big fish. Les grands poissons. And the cucumbers. Et les concombres. Ah, I think we need to go back to Egypt. Ah, je pense qu'on doit retourner à l'Égypte. When the Lord saw, quand le Seigneur a vu, that they were about to go back, qu'ils voulaient retourner à l'Égypte, they were saying, ils se disaient, let us raise for ourselves another leader. Élevons bien de nous un autre leader. To take us back to Egypt. Pour nous conduire en Égypte. In the wilderness, dans le désert, the sweet water of the Nile. Was not there. Ce n'était pas là-bas. The light pots of meat. Les pots de nourriture. Were not there. Ce n'était pas là-bas. And yet, alors, the vision and mission of God. La vision et la mission de Dieu. With Israel. Avec Israël. For Israel. Avec Israël. Was that they come out of Egypt. Donc quand ils vont sortir de l'Égypte. And go to Jerusalem. Et va à Jérusalem. That one day. Et un jour. The Messiah. Le Messie. Might come from them. And the deliverer of the nation. Israel did not see that. Israel n'avait pas vu cela. They wanted to go back. Ils voulaient retourner. And yet, the vision and mission of Jehovah. La vision et la mission de l'Éternel. For Israel. Pour Israël. Was that one day. Et un jour. When they go to Jerusalem. Quand ils vont arriver à Jérusalem. He will use them. Il va les utiliser. To establish worship. Pour établir l'adoration, bring forth. beginning to understand. Same God. Vous commencez déjà à voir que le même Dieu. Same glory. La même gloire. Same mission. La même mission. Same purpose. Le même but. And now. Alors maintenant. I want to walk you step by step. Je vais vous amener étape par étape. When the glory came. Quand la gloire est venue. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? When the glory came. Quand la gloire est descendue. Number one. Premièrement. Now we can write. And now maybe. Number one. Premièrement. They were doing like this. Il faisait ceci. Until the Egyptians. Jusqu'à ce que les Égyptiens. Told them, look, they are stranded. Il y a un gars, mais tout alors. Let us go and bring the bank. Alors, les frères les ramener ici. To work for us. Pour qu'ils puissent travailler pour nous. When they had lost direction. Quand ils ont perdu la direction. Why? Pourquoi? Because they had never been this way before. Parce qu'ils n'ont jamais été de cette manière là-bas avant. Then the cloud of God himself came down. Alors la gloire de Dieu lui-même est descendue. Whenever the cloud of God himself comes down, quand chaque fois que la nuit de Dieu descend, he brings direction to his people. Cela amène la direction à son peuple. Number one, direction. La première chose, c'est la direction. Direction to the church. La direction pour l'église. When I look at the church today, quand je regarde l'église aujourd'hui, I almost see a repeat of the Bible. Je vois la répétition de la Bible. After the tremendous power on the cross. Après la puissance de Dieu sur la croix. And delivering the church. Qui a délivré l'église. When I look at the church. Quand je regarde l'église. Her behavior. Son comportement. Tells me. Me dit. That she wants to go back to Egypt. Qu'elle veut retourner en Égypte. Oh yes. Oh oui. She said no. Elle dit non. I love it there. J'aime ça là-bas. We used to eat big pots of meat there. On avait l'habitude de manger des grands pots de viande là-bas. That's why even in her dressing, c'est pas même dans sa manière de s'habiller. She dresses like the world. Elle s'habille comme le monde. Because she longs for there. Parce que ça lui manque le monde. If you don't long for it, si ça te manque pas, you cannot dress like. Tu peux pas t'habiller comme le monde. If you don't look for it, si tu ne cherches pas cela, you cannot behave like it. Tu ne peux pas te comporter comme cela. That's what you see in the church. There is disco. Disco à l'église. Disco, the young people are dancing. Les jeunes gens dansent. And especially the Congolese people. Spécialement les Congolais. They like disco in Amsterdam, the church. Ils aiment le disco en Amsterdam, dans l'église. I saw. Je vis. And I rebuked it. Et je répugnais cela. And when I was in Amsterdam, when a Congolese musician came to Amsterdam, there were few people in the conference. Il y avait peu de gens à la conférence. Most of the Christians were in, they said, there is a serious Congolese musician, he has come. That's why there are few people in the conference. Il y a peu de gens à la conférence, on dit, il y a peu de gens parce qu'il y a un grand musicien congolais qui est dans la ville. C'est pas tous les chrétiens sont allés là-bas. The church, l'église, she longs for that world. Elle cherche ce monde-là. Where the Lord removed her from. De là que le Seigneur les a délivrés. With great power. Avec une grande puissance. She does not understand. Elle ne comprend pas. The mission and vision of God for her. La mission et la vision de Dieu pour elle. So because she has never been this way before. Parce qu'elle n'a jamais été dans cette direction avant. And she looks like wandering, Israel wandering in the wilderness. Alors, elle se comporte comme si elle se posait des questions, se demandait dans le désert. Israel. Israel. She looks like Israel wandering in the wilderness. Elle ressemble comme Israël qui se demandait, qui se débattait dans le désert. The same cloud. La même nuée. The same God. Le même Dieu. The same glory. La même gloire. That gave Israel direction to Jerusalem. Qui a donné à Israël la direction à Jérusalem. Has now arrived in the church. Et maintenant arrivé à l'église. So number one. Alors numéro un. To give direction. Pour donner la direction. Let us read the Bible now. Lisons la Bible maintenant. Under point number one, to bring direction to the church. Le point numéro un, c'est donner la direction à l'église. The book of Numbers chapter 9. Le livre de Nombres chapitre 9. Verses 15 to 23.

They said, no, we don't want. Ils disent, non, nous voulons pas. They said, ils ont dit, let us build for ourselves a golden calf. Laissons bâtir pour nous-mêmes un vache d'or. A God that we can touch. Un Dieu que nous pouvons toucher. So we can kneel down before this God. Afin que nous puissions nous agenouiller devant ce Dieu. Of gold. En or. And start worshiping. Et commencer à l'adorer. And let us go back to Egypt. Et retourner en Égypte. It is better for us to go and serve the Egyptians. C'est mieux pour moi d'aller et servir les Égyptiens. It is called. C'est appelé. Comfort in misery. Le confort dans la misère. Very good. That is the Israel we know. Ça c'est Israël que nous connaissons. But when the Lord saw, quand le Seigneur a vu, that they are just about to go back, qu'ils sont sur le point de retourner là-bas, he realized, il a réalisé, that if he leaves these people, s'il laisse ce peuple, these people will go back. Ce peuple va retourner effectivement. Then the cloud came. Alors la nuée est descendue. This particular cloud, this one here. Nuée particulière celle-ci. The exact cloud, this one. Exactement cette nuée ici. Appeared. Est apparue. And look at this now. Et regardez ceci maintenant. When the cloud appeared. Quand la nuée est apparue. The first thing is this. La première chose c'est ceci. The Bible says. La Bible dit. That when this cloud arrived. Quand cette nuée arrive. Look what they did. Regarde ce qu'ils font. That they came out of their tents. Ils sont sortis de leurs tentes. With their wives and children. Avec leurs femmes et leurs enfants. Holding their hands. Attenant leurs mains. The day the cloud appeared. Le jour que la nuée est apparue. And he says. Et alors il dit. Out of fear. Dans la peur, they worshipped the Lord. Ils ont adoré l'Éternel. They worshipped him. Ils l'ont adoré là. When they came out of their tents, quand ils sont sortis de leurs tentes, and saw the cloud arrive, et ils ont vu que la nuée est arrivée, they bowed down, ils se sont prosternés, and worshipped Jehovah. Ils ont adoré l'Éternel. Out of fear, au travers de la peur. And what you see, et ce que vous voyez, between the Israel, entre Israël, that was rebellious, qui était rebelle, and when the cloud comes, et quand la nuit arrive, Numbers chapter 9, Numbers chapter 9, the most obedient Israel, Israël la plus obéissante, most obedient, le plus obéissant Israël, when the cloud settled, they settled. Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent. When the cloud lifted, they lifted. Quand la nuée part, ils partent. You see two different Israels. Vous voyez deux Israels différents. Do you understand the message, the church? Vous comprenez le message de l'église? Make sure you catch the message. Soyez sûr que vous saisissez le message. Very disobedient. Très désobéissant. But when the cloud comes, c'est quand la nuée arrive, 1000% obedient. 1000% de temps obéissant. Meaning, ça veut dire, the clouds settle, they settle. Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent. Lift up, they lift. Quand la nuée s'élève, ils s'élèvent. Meaning, ça veut dire, the message the cloud brought. Le message que la nuée a apporté. Obedience. L'obéissance. Obedience. L'obéissance. Obedience. Obéissance. Obedience. Obéissance. And obedience. Et obéissance. Obedience to Jehovah. L'obéissance à l'Éternel. Step by step. Étape par étape. I want you to catch everything. Je voudrais que vous saisissiez toutes choses. Obedience. L'obéissance. Obedience. L'obéissance. So that. Alors. If you were disobedient. Si tu étais désobéissant. Dressing in immorality. T'habillant de façon immorale. In the church. Dans l'église. Preaching another gospel. Prêchant un autre évangile. Of prosperity. De la prospérité. The gospel of the golden calf. L'évangile du veau d'or. Golden. Veau d'or. Touching and kissing and kneeling down. Touchant, embrassant et se prosternant. The gospel of Egyptian gods. L'évangile des dieux égyptiens. The idol gods. Les dieux idoles. He says. Il dit. When the cloud comes. Quand la nuée vient. Look, regarde, with the children and wife, avec les enfants et la femme, out, ils viennent dehors, bow down, ils se prosternent, and worship, et ils adorent l'Éternel. Did you understand? Vous comprenez? Obedience. L'obéissance. Why? Pourquoi? Because, parce que, they had never been this way before. Ils n'ont jamais été comme ça avant. They had never been this way before. Ils n'ont jamais été comme ça avant. They did not know the direction to Jerusalem. Ils connaissaient pas la direction vers Jérusalem. Even the church. Même l'église. The church. L'église. Has never been to the land of the rapture before. Ils n'ont jamais été sur le pays de l'enlèvement avant. They have never been to the kingdom of God before. Ils n'ont jamais été au royaume de Dieu avant. So, alors, when Israel obeyed, quand Israël a obéi, then this cloud, alors cette nuée, gave them direction, leur a donné la direction to the promised land, vers la terre promise, until they enter, jusqu'à ce qu'ils soient entrés. You understand me? Vous comprenez? Step by step, étape par étape. Even the church, même l'église, if the church will obey the instruction of Jehovah, si l'église va obéir aux instructions de l'Éternel, through this cloud, au travers de cette nuée, this cloud, cette nuée, will give the church, va donner à l'église, direction, la direction, to the glorious kingdom of God, dans le royaume glorieux de Dieu, until she will enter, jusqu'à ce qu'elle va entrer. But those who will disobey, mais ceux qui vont désobéir, they will become the chorus of to the choral. Ils vont venir le chorer de chorer. The chorus did not enter. Les chorés ne sont pas entrés. That's why I told you, if you knew what I know about this cloud already, c'est pourquoi je dis, si vous savez ce que je connais déjà sur cette nuée, you would have trembled. Vous aurez tremblé déjà. Those that will obey, ceux qui vont obéir, they will enter. Ils vont entrer. This is not the message of your false prophets. Ça, ce n'est pas le message de vos faux prophètes. That come here to soothe your wounds of sins. Ceux qui viennent ici pour caresser vos péchés, vos plaies de péché. The wounds of sin. Les plaies de péché. Non. Non. This is the message of Jehovah. Ça, c'est le message de l'Éternel. This is about the glorious eternity, kingdom of God. Ça, c'est la glorieuse éternité du royaume de Dieu. And I am totally responsible. Et je suis totalement responsable. I have to give it fully as it is. Je dois donner ça totalement comme cela est. So if you want, you can follow and enter. Si vous voulez, vous pouvez suivre et entrer. The Lord, when he sent me, quand le Seigneur m'a envoyé, he never told me, il m'a jamais dit, please go and argue with them. Non, s'il te plaît, va discuter avec eux. Please go. In fact, yesterday I was hearing this sermon in the dream. This one here. En fait, hier, j'écoutais cette prédication dans le rêve. I get to hear before. Je dois écouter avant. Even the words I'm speaking, I was hearing in the night. Même les mots que je suis en train de dire, j'écoutais ça la nuit. He never told me, go and convince them, please. Il m'a jamais dit, va les convaincre, s'il te plaît. They just go and tell them. Il dit, c'est ma va leur dire. That's all. C'est tout. If they want, they follow. S'ils veulent, ils vont suivre. If they don't want, s'ils ne veulent pas, let them wait and see. Qu'ils s'attendent et ils verront. Between them and God, entre eux et Dieu, who is greater? Qui est le grand? Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. I know your country is a rich country. Je sais que votre pays est un pays riche. But I don't come for that gold. Mais je suis pas venu pour cet or là. I don't come for the oil and the silver. Je ne viens pas pour le pétrole et l'argent. My Father. Mon Père. My God. Mon Dieu. He is the God of eternity. Il est Dieu d'éternité. Bigger than gold, petroleum and silver. Plus grand que le pétrole, l'argent et le pétrole. It is time for the church. C'est le moment pour l'église. To choose the eternity of God. De choisir l'éternité de Dieu. You cannot buy with money. Vous pouvez pas acheter avec l'argent. Never. Non. That's why. C'est pourquoi. When you see somebody like me, quand vous voyez quelqu'un comme moi, beginning to appear before you, commencez à apparaître devant vous, then you know the kingdom is near. Vous savez que le royaume de Dieu est proche. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. Obedience. L'obéissance. Obedience. L'obéissance. The message the cloud brought. Le message que la nuée a apporté. Obedience. L'obéissance. Obedience. L'obéissance. Obedience. Obéissance. Obedience. Obéissance. And obedience. Et obéissance. Obedience to Jehovah. L'obéissance à l'Éternel.